LRM. Yo, LRM, c'est beaucoup en trois lettres. C'est la rime meurtrière, c'est la flèche de l'arbalète. C'est la rage de la planète en un mec. Je te dis, je suis tout ça en trois lettres. C'est le bas et la galette, la balle et la gâchette. Le manche et le barillet, ou le manche quand y'a des billets. La traversée de la manche à pied, la revanche quand on vient de plier. C'est le rap moderne, les mots du siècle, le mal du siècle, des mots de nègre. LRM, c'est comme un top modèle qui est pas maquillé. C'est hardcore d'art, même inhumain cousin. Ici, c'est le rap de haut niveau, la concurrence est en poussin. Ici, je pousse un cri, et puis je tousse un coup. Car ma cam, ici, elle t'étouffe. LRM c'est comme un empire de bicrave. Ici y'a pas de refrain qui craque. Ici c'est sans pédé ni trave. Sans bavure ni trace. Carbure au shit pour nitrate. LRM qui rappe c'est comme un combat de pute dans une cave. Là c'est LRM dans toutes les chaînes, dans tous les postes. LRM ici ma main qui te fout des rosses. Là c'est LRM 78 gifle une section. LRM tu sais qui je suis, ce que je fais c'est le son. Tu dis LRM connu comme le shit de mon secteur. LRM si tu roules avec moi lève-moi cette peur. C'est LRM celui qui met le public en émoi. C'est LRM celui que t'as en mémoire, négro c'est moi. Yo, c'est LRM, tire, tiens mon place, gros, c'est LRM, c'est LRM, c'est LRM, tire. LRM c'est comme du rap sur RMC. C'est rare, ça fait plaisir aux miens. Mais le problème c'est que la France veut pas nous laisser. Pépère LRM c'est le M16 qui les fait clamser et vous fait bouncer. C'est une femme douce qui te fait des avances et qui te plante avant même que tu sois arrivé au bas avant. C'est du lusty dans l'hostie. Pas signé sur hostile mais show star aussi avec mon pro. Si c'est la relève c'est bel air dans les veines. Fait bel air qu'Améthène. C'est du rap à Willy Denze. LRM c'est la violence dans les oreilles. Le succès par bouche à oreille. Tu viens me sucer pour de l'oseille. C'est LRM, hip-hop, tu son kickbox. Le fruit de mon époque, donc moi, aux normes je dis poc. Du rap adressé à toutes les tests. C'est si tu veux, mais sache qu'il y a rien qui nous fera baisser. C'est LRM, dans toutes les chaînes, dans tous les postes. LRM, ici ma main qui te fout des rosses. Là c'est LRM, 78, gifle une section. LRM, tu sais qui je suis, ce que je fais c'est le son. Tu dis LRM, connu comme le shit de mon secteur. LRM, si tu roules avec moi, lève-moi cette peur. C'est LRM, celui qui met le public en émoi. C'est LRM, celui que t'as en mémoire, négro c'est moi. C'est LRM, tire, tiens mon place, gros, c'est LRM, tire, c'est LRM, tire, c'est LRM, tire, yo. C'est pour mes raps à blanc négro, pas pub pour toi, on est trop. C'est un ego trip que je fume pire qu'un mégot de bédo, c'est ghetto. J'ai comme un que gré, moi je reste que vrai. Un degré d'art en progrès, c'est du concret, j'nique les deux traits. C'est LRM là pour dresser un constat et le disque à chaque copie pressée. C'est le rap tour à tour, ego trip posé hardcore. C'est le son que les vénères et puis les types posés adorent. C'est du bon, trois lettres comme gage de qualité. LRM c'est le négro qui sur le mic fait baliser, fait saliver ses fils de pute dans leur voiture banalisée. Puis tous ceux sur les parkings qui te stoppent pour verbaliser. C'est juste malade, t'as pas besoin d'analyser. À ce qui paraît, le rap c'est mort, bah j'en pour le réactualiser. C'est LRM quoi, déverse mes rimes en M3. C'est du talent tueur, et là des couplets, j'en ai qu'un 3.